Donc, il est 7 heures. Donc, verset. Ça, c'est. Autre question, il y a encore ici. Matthieu 7, verset 6. Que veut dire ce verset? De quelle manière je peux. Alors, maintenant, dans ce Matthieu, chapitre 7, verset 7, la Bible déclare là-bas que ne donnez pas vous les choses saintes aux chiens. C'est ce qu'il dit dans ce verset. Que veut dire ce verset? De quelle manière je peux donner les choses saintes aux chiens? Il faut d'abord les posséder. Et quelles sont ces choses saintes? Nous y voilà. Donc, que veut dire ce verset? Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Le verset ne finit pas. Ce n'est pas fini là comme ça. Ouvrons. Il y a un deuxième volet que la personne a oublié. Le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les poissons. Voilà. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Voilà. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a un deuxième volet très important et très profond qui est dit dans ce verset-là. Vos perles. Les perles, c'est comme ce que vous appelez les bijoux. Les bijoux. Maintenant, cette personne se pose la question, quelles sont ces choses saintes? Si vous entrez dans le livre des Proverbes au chapitre 8, vous allez commencer à voir comment Dieu commence à donner les définitions de ces choses-ci. Les choses qui sont plus précieuses que les perles, les grands prix. D'accord? Il dit, ne donnez pas ça aux chiens. Alors maintenant, qui est-ce que la Bible appelle d'abord chien? Je veux que vous me répondez. Je vais la crainte de Dieu. Ah, autre personne? Ceux qui n'ont pas cru. Qui a dit païen? Toi, tu es quoi? C'est ce que tu n'es pas païen. Hein? Hein? Comment? Le frère Jimmy dit que moi je suis. Après, il dit moi je suis païen. Donc, tu es païen, frère Jimmy? Non, non, non, laisse-moi connaître. J'ai besoin de repasser. Tu es quoi? Mais hein, tu es païen ou tu es juif? Je suis païen. Qui est païen encore ici? Personne ne peut lever la main. Vous n'êtes pas des païens. Donc, vous êtes des peuples juifs alors. Quelqu'un dit l'Israël de Dieu. Donc, les gens n'aiment pas le mot la païen. Alors, maintenant, sachez que si vous n'êtes pas juif, vous êtes forcément païen. Maintenant, parmi les païens, il y a des gens qui ont été sanctifiés, nettoyés. Parce que la Bible déclare en Colossiens, au chapitre 1, qu'on était ennemis par notre vaine manière de vivre, par notre pensée, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a rachetés. Il nous a rendus, il dit, rendez grâce. Est-ce qu'on a été rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, n'est-ce pas? Donc, ce sont les païens sanctifiés. Nous sommes des païens sanctifiés. Alors maintenant, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Donc, je pose la question, qu'est-ce que la Bible appelle saint? C'est le Seigneur qui parle ici. Quand vous aimez, vous dites qu'on ne peut pas insulter, c'est Jésus lui-même en personne qui a prononcé ces paroles. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. De quoi est-ce qu'il parle, Jésus? Frère David, de quoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ parle? Ne donnez pas les choses, c'est aussi évident que possible. Faites-moi continuer le verset suivant. En fait, moi, je comprends ça. Il ne faut pas donner la parole à ceux qui ne sont pas censés le recevoir. Parce que, comment tu vas savoir que ceci n'est pas censé le recevoir? Il peut arriver que tu veux avec quelqu'un, le tout transmettre un message. Mm-hmm. Et qu'il n'a pas la compréhension de ce message, il ne peut pas. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir quelqu'un, un bensikinin, qui ne s'occupe pas de la parole de Dieu. Vous commencez à lui dire que Daniel dans la fosse de lion, tu connais la révélation que ça donne, Daniel dans la fosse de lion, tu comprends ce qu'il s'en est dit, n'est-ce pas? Tu connais l'Apocalypse, que l'Apocalypse lui-même, ça ne laisse pas les pasteurs. Les pasteurs, ils ne s'en sortent pas dans l'Apocalypse. Tu dis que tu connais le mystère du cheval blanc, quand ça sort dans le cercle, ça s'ouvre. Le bensikinin va débarrer sa moto partie, pas vrai? Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Donc, frère Ferrand, tu voulais parler? Il disait que les choses saintes, ce sont vraiment des choses qu'on ne reçoit par l'Esprit du Seigneur. Allume-le pour moi. Les choses saintes, ce sont des choses qu'on ne reçoit par l'Esprit du Seigneur. Oui. Donc, Dieu ne nous rendra pas, nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu. Oui. Afin que par l'Esprit de Dieu, nous recevions ce qui est à Dieu. Oui. Donc, c'est de ces choses. Et l'apôtre Paul dit que nous parlons de cela. En utilisant le langage spirituel. Oui. Parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Voilà. Donc, en utilisant le langage spirituel pour des choses spirituelles. Oui. Mais l'homme animal. Ne nous reçoit pas, ne les pas les comprendre parce que c'est une folie pour lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Je vois même aussi que c'est pour cela que le Seigneur a dit que lorsque les gens croient et qu'ils sont baptisés, ils doivent être enseignés. Enseignés. Pour que petit à petit on entre dans cette compréhension, n'est-ce pas? Cette personne continue au chapitre 9, verset 3, verset 13. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. On met le point d'interrogation. Donc, ça veut dire que, frère Junior, lis le verset. Explique-nous. Si vous regardez encore une fois plus dans ce Matthieu, chapitre 9, verset 13, vous allez voir, c'est l'histoire, c'est la culpabilité des pharisiens vis-à-vis des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs fois, les disciples marchaient dans les champs. Celui-là, il croit qu'il dort. Il va celui-là. Viens te coucher ici, garçonnet. Viens te coucher ici. Viens te coucher. Viens t'allonger. Sinon, à ce niveau-là, tu vas atterrir là-bas. Couche-toi ici, ne t'inquiète pas. Donc, plusieurs fois, les disciples du Seigneur Jésus-Christ traversent les champs, par exemple. Il prend le maïs. Il mange. Sans broyer. Je crois que le premier. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 13. Ne soyez pas déconcentrés. Restez connectés à ceci. Alors, on va commencer à demander à Jésus que tes disciples font ceci. Ils font ceci, ce qui n'est pas permis. Jésus dit que si vous savez ce qu'il dit, alors le Seigneur Jésus va leur donner une exhortation par rapport au livre de Samuel. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il dit, n'avez-vous pas lu dans votre livre que vous pensez lire là, le jour que Jésus est entré dans le temple et il a pris le pain de proposition qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs du temps des souverains sacrificateurs à Abiata et qu'il a mangé ainsi que ceux qui étaient avec lui. N'est-ce pas? Alors, il dit ici, Jésus-Christ, regardez la gravité. Si vous prenez, chaque fois quand Jésus-Christ parle ici de la parole, vous ferez mieux d'analyser vraiment et de rester dans la profondeur. Il prend David, et si vous regardez, David était en cava en ce moment-là, il était en fuite par rapport à Saül. Il allait dans le territoire, il a vu Abiathar. Ils avaient fait presque 3 jours, n'ont pas mangé. Il a rebâti le soin secrétaire, il a-t-il rien ici à manger? Le secrétaire Abiathar lui a dit qu'il n'y a rien à manger, sinon que le pain de proposition. Et vous lisez la Bible, le pain de proposition était révélé seulement au sacrificateur. Si toute personne, c'est clair dans la Bible, si quelqu'un touche, il va mourir. Abiathar dit que j'espère que vous êtes sanctifié. D'ailleurs, ça fait 3 jours, n'a pas touché les femmes. Écoutez ce qu'il a de te dire. 3 jours, sans toucher les femmes, pour approcher là-bas au niveau de la table. Il y a des choses ici. Alors, il a pris le pain, il a mangé. Il n'est pas mort. Les autres aussi ne sont pas morts, ceux qui étaient avec David. Quel type de Christ parfait. Ouais, là, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ prend ces choses et dit que, ok, si vous savez ce qu'il veut dire, je prends plaisir au sacrifice. Regardez, et à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et, en fait, le verset ici, la personne n'a pas fini ce verset ici. La personne n'a pas fini ceci. Lisez le verset 12 et suivant. Allons-y, frère. Verset 12, le chapitre 9. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mmh. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Donc, si on comprend très bien, dans le temple, Jésus-Christ André dit clairement que si vous êtes vraiment là pour vos dîmes et vos offrandes là, Dieu regarde au-delà de cela. Première chose, si vous voulez, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, lorsqu'il reproche comment s'appelle les pharisiens, il a dit que vous négligez les choses de la loi. Il a cité 3 choses. 1. Il m'adresse à vous. Première chose qu'il a cité. 2. 3. Écoutez très bien maintenant. Là. Vous allez prendre ce divorce, vous allez lire Matthieu. À l'espace de 7 jours, vous allez lire Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. Vous les hommes là. D'accord? Nous sommes quand même aujourd'hui. Nous sommes le 20 aujourd'hui. Donc, 7 jours, le 27. C'est le 27 que vous avez fini, Matthieu. Vous me regardez comme ça, là, comme les poissons qu'on arrête, les yeux sont dehors comme ça, là. Même Matthieu 23, où il y a les dîmes dedans, vous ne connaissez même pas. Donc, remarquez très bien que Jésus dit dans ce Matthieu 23, en reprochant aux pharisiens, il dit que vous négligez ce qui est plus important dans la loi. C'est-à-dire que la fidélité, la miséricorde, la justice, les 3 choses. Voilà, les 3 choses. Il dit que c'est ce qu'il fallait faire, pratiquer sans négliger les autres. Donc, alors maintenant, ceci maintenant, lorsqu'il y a n'importe quelle guérison, il commence à dire ceci par rapport au sabbat, par rapport au sabbat. Donc, il met l'accent sur les choses extérieures, sur le sacrifice que quelqu'un doit faire par rapport à la personne elle-même. Alors, vous allez voir dans Marc au chapitre 7 et dans Matthieu chapitre 15. Les pharisiens vont mettre certaines lois. Il dit que ce que je pouvais faire à mon père est corban, c'est-à-dire offrande pour Dieu. Et Jésus dit, vous ne laissez plus faire quelque chose pour son père au profit de votre tradition. C'est-à-dire que quelqu'un a une offrande. J'ai mes dîmes, comme ils disent là. J'ai 100 000 francs que je dois aller donner en dîme. Mon père et ma mère sont en train de souffrir à la maison. J'ai qu'il laisse mon père là-bas, ne pas donner ça parce que c'est l'offrande de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas ça qu'il a prescrit. C'est ce que Jésus est en train de reprocher aux Juifs. D'accord. Donc, ça veut dire que quel que soit ce qu'il a dit, il prend la situation de David pour dire que David était dans la nécessité. Donc, sa vie est importante que le pain qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? La vie de cette femme-ci est importante que le sabbat. La vie d'une personne qu'on doit guérir le jour du sabbat est importante que le sabbat parce que le sabbat a été donné à l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je prends plaisir à la miséricorde. Dieu a miséricorde. C'est pour cela que, malgré que la loi soit écrite et que la sanction de la loi est donnée, tu transgresses parce que c'est clair que tous sont pécheurs, pas vrai? Maintenant, le salaire du péché, c'est quoi? Donc, nous tous, nous sommes dignes de mort. Mais est-ce que nous allons tous mourir? Donc, il y a une miséricorde qui a été manifestée quelque part. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc, il y a une miséricorde qui a été. Parce que si ce n'est pas la miséricorde, tous devaient payer par rapport au prix de l'ascension. C'est ça, n'est-ce pas? La personne continue. Chapitre 9, verset. La personne s'est noté, elle avait les étoiles, comme le commissaire. Chapitre 9, verset 16 à 17. On n'aura pas cité, on a mis point d'interrogation. Donc, chapitre 7, 9, verset 16 à 17. Donc, frère Tangana, puisque tu es le lecteur de la première lecture, verset 16 à 17, qu'est-ce que ça dit? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Voilà. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres seront. Nous comprenons effectivement ici, en expliquant, vous voyez même dans l'explication qu'il fait en première partie, ça se trouve directement dans la deuxième. Les pharisiens avaient un principe qu'ils avaient là-bas, jusqu'à en train de dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avancer avec l'ancien principe, il faut que ça soit nettoyé. Je crois que lorsque nous voyons ici la nécessité des nettoyages des gens qui sont sortis de dénomination, on a compris pleinement ces versets, c'est pleinement. C'est-à-dire que si tu sors d'un milieu, je crois que si tu sors d'un milieu et que tu veux avancer avec le Seigneur, on a vu un exemple dans Actes chapitre 15. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, on a vu clairement que les gens sont sortis là-bas du milieu des pharisiens. Ils avaient cru. Ils se sont levés au milieu de l'assemblée, commençant à dire qu'il faut qu'on se fasse circoncis et observer la loi de Moïse pour être sauvé. Sinon, on n'est pas sauvé totalement. Ça a créé la dissension au milieu de l'église parce qu'il y a eu une conférence, la première conférence de Jérusalem, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le Saint-Dieu veut nous montrer? Le Saint-Dieu veut nous montrer que quand quelqu'un sort d'un groupe qui croit à autre chose, autre exactement, authentiquement, ce que Dieu dit, il va entraîner ça avec lui s'il ne passe pas par le nettoyage. Donc, c'est ça, les vieilles outres. Il vient avec ça, les vieilles outres, pour commencer à mettre les vins nouveaux. Avoir mettre les révélations de Dieu dans les choses de Moïse, pour commencer à mélanger l'image et la réalité et l'ombre. On ne peut pas mélanger. La réalité, c'est la réalité. L'ombre, c'est l'ombre. Est-ce que c'est ici? C'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer là. Et remarquez très bien quand il a appelé Gédéon. Pour que Gédéon avance, il fallait qu'il rase d'abord les choses de son père. Les idoles de son père pour aller traiter contre là. Parce que tu ne peux pas aller combattre Satan avec ses armes alors que tu es sous cette même hôtel. Il faut régler d'abord le problème de l'hôtel familial avant d'avancer. Vous savez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Chapitre 10, verset 16. Prudent comme les serpents et simple comme les colombes. C'est-à-dire comment? Il y a des drôles de questions ici là. Ou mieux, drôle de façon de poser des questions alors. Donc, chapitre 10 de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Je crois qu'on finit vite rapidement les questions. Là, je vois si les hommes ont des questions. Et puis, on regarde dans quelle direction le Seigneur va nous amener. Donc, les questions là sont vraiment intéressantes. Chapitre 10 de Matthieu, verset 16. Quand Jésus a donné les injonctions là-bas, quand vous allez partir, soyez prudents comme le col. D'abord, à partir du verset 8 en descendant, il en est d'envoyer les disciples pour aller prêcher. D'accord? Jésus a appelé les disciples. Il a dû les envoyer d'aller prêcher. Après, avant, il dit que partout vous allez entrer, prêcher ceci, guérissez les malades ceci, entrez dans quelques maisons, comment vous recevoir, si on vous donne pas quoi manger, demeurez jusqu'à ce que vous partiez, n'allez pas de maison en maison. Après, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est là où il a cité ces versets-là. C'est là où il a dit cela. Alors, la personne, si Paul dit, prudent comme les serpents et simples comme les colombes. C'est-à-dire, comment? On a donné deux animaux ici, le serpent et la colombe. Le simple fait que j'ai cité le serpent et la colombe, ce verset-ci, ça parle du caractère des vrais serviteurs. Les vrais serviteurs de Dieu. Donc là, si, pour que je puisse m'arrêter là pour expliquer vraiment ce verset, il faut que vous parlez des caractères des serviteurs appelés de Dieu. Les caractères, pas les caractéristiques. Caractéristiques, c'est une autre chose. Il parle du caractère, ce qui doit être en nous, alors que nous allons prêcher. C'est pour ça que j'ai dû vous ramener depuis le verset 8 en haut, quand on en a parlé à ceux qu'on a envoyés, aller annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, la Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme à une proie d'être égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme des serviteurs. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrez avec moi le livre de Timothée. Donc, souvenez-vous de la question. Prudent comme les serpents, simple comme comment? Et je suis en train de dire, ces versets-ci, en train de parler du caractère des personnes que Dieu a appelées à son service. Le caractère. Ah. Vous êtes au chapitre 2 de 2 Timothée. Chapitre 2 de 2 Timothée. Si vous êtes, je vous donne les passages. Ok, frère, tu peux nous lire versets 23 à 26 à haute voix, s'il te plaît. Repousse les discussions folles et inutiles. Pendant qu'on se rend à lire maintenant, gardez à l'esprit Matthieu chapitre 10, verset 16. Il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors, avançons, frère. Sachant qu'elles font naître des querelles. Oui. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Stoppons là-bas. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il y a des pasteurs qui ont des querelles parce que même entre eux, ils vont même au tribunal. J'ai dit, le verset 16 du chapitre 10 de Matthieu est en train de nous parler du caractère des croyants, de ceux que Dieu a envoyés. Oui, frère a toujours des fax, discours ici. Oui, le pasteur a fouetté qui, frère? Pourquoi? L'église du pasteur est contiguë. Oui, contiguë au bas de la femme. Dimanche, est-ce qu'il y a culte là? La femme met la musique. La femme met le volume très haut. Le pasteur a voulu utiliser la douceur. La douceur. On n'a pas allé. Il est passé au coup de poing. Il a dit que même je suis entré dans le temple pour fêter les gens. C'est ça, n'est-ce pas, préférant? Je suis entré dans le bas de quelqu'un. C'est terrible, seulement. Ah ouais. Or, maintenant, c'est pour ça qu'il vous dit que si vous allez dans la Bible, vous regardez les caractéristiques de ce que Jésus dit lui-même, il appelle ses serviteurs. Ça commence à disqualifier un à un chaque personne. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Comme les serpents. Donc, il y a quelque chose dans le serpent que les serviteurs de Dieu doivent imiter. La prudence. Simple comme les colombes. Pourquoi Dieu a pris la colombe? L'innocence. La simplicité, la douceur. Moins de petits problèmes, la colombe s'enfuit. Il ne tient pas de... Ça, c'est le chien. Souvenez-vous des caractéristiques de l'autre maintenant. Les chiens. Le chien, c'est celui qui fait... Tu fais quoi? Il rentre comme ça. Il rentre. Quand il rentre chez lui, il va la barre. Il envoie la tête de... C'est ce que le chien fait. Est-ce que vous comprenez? La colombe n'aime pas les discussions. La colombe, c'est pour cela qu'il est symbolisé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit parle, il ne gronde pas. Il parle doucement. Dans les injonctions, doucement. Dans la douceur. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit, ici, il dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur ait des querelles. Maintenant, continuons les caractéristiques. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit au contraire. Au contraire. Donc, contrairement à le principe d'avoir des discussions et des disputes, là, il doit avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner. Arrêtez-nous là-bas. Ça ne veut pas dire qu'être frais, par exemple, quand tu es en train d'enseigner, ça n'a rien à voir. Être propre à enseigner, ça veut dire que tu sois assidu dans l'enseignement, que ton enseignement soit vraiment éclairé par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce soit dans la droite ligne de la doctrine de Christ. C'est ça dont on est en train de parler. On ne me dit pas, par exemple, que tu portes le blanc avec le pointillé, tu chauffes le cheveu. C'est pas ça. Ça se comprend? Voilà, parce qu'il comprend, il sait comment les gens tordent les écritures. On a dit que ainsi c'est barré à tout faire les femmes qui font profession de servir Dieu. Quelqu'un a dit que profession c'est servir Dieu. On dit profession, serviteur de Dieu. On a dit que les gens qui professent, qui disent de leur bouche que je suis serviteur de Dieu, comporte-toi ainsi. Il dit que profession, ça dit c'est son travail. Donc on nous tord le français, là, on nous malaxe, alors que c'est pas ce que Dieu vient de le dire. Il dit il faut au contraire qu'il ait de la condescendance pour tous. C'est-à-dire que pour les ennemis, pour ceux qui t'apprécient et pour ceux qui te déprécient, tu dois avoir la condescendance. C'est pour ça qu'il dit le caractère des vrais dirigeants. C'est rare. Rare, extrêmement rare. Si vous ne voyez pas le modèle en Jésus-Christ, vous voyez le vrai modèle en Jésus-Christ, tournez-vous vers Pierre, Paul, vous allez voir le même modèle. Et c'est pour cela que dans ces Philippiens, chapitre 3, verset 17, il a dit que portez les regards sur nous et sur tous ceux qui vous avez vu marcher d'après ces modèles-ci. Si vous allez dans la salle, dans le sentimentalisme, vous allez tomber dans les dérisions. Avançons, frère. Être propre à enseigner, oui. Doué de patience. Stoppons là-bas. Doué de patience. Patience. Ici, on dit prudent comme les serpents et simple comme les colombes. La personne dit, c'est-à-dire comment? Lisons ce mot, va ressortir, c'est là-bas. Souvenez-vous les deux animaux, serpent et colombe, oui. Doué de patience. Donc le serpent doit être quoi? Doué de patience. Alors oui? Il doit redresser avec douceur les adversaires. Vous avez entendu, frère? Vous avez entendu? Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'est. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc ça veut dire que le serviteur sait exactement que le travail qu'il fait, ce n'est pas lui qui transforme les gens. Il a un rôle à faire, il doit refaire son rôle et rester à ce rythme-là et à ce point-là et laisser la personne qui fait l'œuvre faire l'œuvre. Donc il y a des gens qui veulent convertir mais avec le coup de poing. Vous savez, il y a un garçon là qui, c'était un bandit, un ancien bandit. Il est vraiment colosse comme ça, deux mains avec les muscles comme ça. Quand les gars partaient en campagne d'évangélisation, on le prenait, on le mettait de côté. On prêche, quand il prêchait, vous le voyez comme ça. Il dit, vous savez, l'attitude des bandits. La façon de parler des anciens bandits. Il a ouvert la Bible comme ça là. Il dit Jésus Christ est le Seigneur, le Sauveur. Tu crois? Quand il dit tu crois, tu le regardes comme ça. Tu regardes le muscle. Tu penses que si tu dis non, il va te taper. Donc tu es obligé.